Bonjour Blockbuster. Ce message aura plusieurs semaines, voire mois de retard. J'écoute en replay la superbe émission sur Evangelion. Et j'ai repris plaisir avec vos chroniqueurs à redécouvrir la série. Je me suis arrêté au premier film après la série animée. J'avais hâte de me remettre dans le bain avant d'attaquer le visionnage des films suivants. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment sur cette chronique. Merci à vous. Merci Blockbuster. Pourvu que ça dure. To be or not to be, not to be. C'est quoi la nostalgie? Pour moi, c'est une réhabilitation du passé, une version director's cut de ses souvenirs. Combien de fois on se surprend à dire que tel film ou tel dessin animé était formidable et une fois qu'on le revoit, on se dit « Ah tiens, ça a quand même pas mal vieilli ». C'est un peu la même chose avec ses premiers amours. Dans sa tête, le souvenir de la première fille ou du premier garçon dont on est tombé amoureux est souvent dopé au fantasme, repeint à l'encre de l'idéalisme. Quand on y repense, on se souvient qu'il ou elle marchait à 5 cm au-dessus du sol, elle sentait le jasmin et des pétales de rose s'envoler à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Et puis un jour, on la revoit. Et là, on se dit que c'est forcément la vie qui a été dure avec elle, pas notre mémoire qui nous fait défaut. La nostalgie, c'est l'histoire écrite par les rêveurs. Donc finalement, pourquoi ce besoin d'être nostalgique en vieillissant? Peut-être parce que la nostalgie, c'est de la peur présentable. La nostalgie, c'est ce doudou que l'on traîne partout avec nous et qui nous renvoie à une époque où on avait moins de responsabilités, plus d'insouciance, et surtout, plus d'années devant soi que derrière. La nostalgie, c'est exprimer sans avoir à le dire sa peur et son angoisse du présent. C'était mieux avant, c'est plus simple à dire que j'ai peur du maintenant. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Rétro laser. Récupération. Arrimage. Retour à la base. Il existe de nombreux dessins animés japonais cultes connus du grand public. Olive et Tom, Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac, Albator. Mais aucun, je dis bien aucun, ne dispose de l'aura de Goldorak, Grandizer en version originale. Apparu sur les écrans français en 1978, Goldorak, ce robot géant stylé, piloté par Actarus, le prince de fort, croisement improbable d'un chanteur des Bee Gees et de Julien Doré, a ouvert la voie à toute la Japanimation. En France, on peut clairement dire qu'il y a eu un avant et un après Goldorak. Politiquement, socialement et même en tant que divertissement, Goldorak a tout changé. Et pour revenir sur ce robot emblématique, j'ai avec moi Denis Bajram, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur et auteur de l'adaptation en bande dessinée de Goldorak. Avec nous également Olivier Fallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition Goldorak à la Maison de la Culture du Japon. Exactement. Et avec nous Sébastien Célimon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial d'Animeland. Eh bien oui, c'est moi. Ensemble, on va revenir sur l'arrivée en France de cette star des robots géants, son succès surprise démentiel, sa réception par les autorités de l'époque et les polémiques que ça a généré. On parlera bien évidemment du créateur de Goldorak, le génial Gonagai, qui est très loin de n'avoir fait que ça. On parlera des différents génériques qui se sont imprimés dans nos mémoires collectives. Et on parlera du retour de Goldorak dans une exposition, mais aussi dans une bande dessinée Made in France. Enfin bref, allez, Blockbuster spécial Goldorak, autolargue. Je présente mon fils, Actarus. J'espère que vous allez devenir ami. Oui, j'en suis persuadé. Sois le bienvenu. J'ai entendu dire que des ovnis passaient souvent dans votre espace aérien. Je suis venu afin d'enquêter sur le phénomène. Excusez-moi, j'ai affaire. Actarus, voyons, attends une seconde. Il a raison, tu travailles trop. Ce sera bientôt l'hiver et tout doit être prêt. Le gel détruirait nos efforts, à ce soir. Il n'a même pas jeté un regard sur ma soucoupe. Il est antipathique. C'était un extrait d'un épisode de Goldorak et vous avez entendu Actarus doublé en français par Daniel Gall, Alcor doublé par Pierre Guillermo et le professeur Procyon doublé par Michel Gattino, une voix que vous avez forcément dû connaître parce que c'est là aussi la voix de Charlene Gals dans La Petite Maison dans la Prairie. Alors évidemment, première question, quand et comment Goldorak est arrivé en France, Sébastien Silimon? Alors, Goldorak est arrivé amené par un vendeur de droits qui s'appelle Jacques Canestrier, qui en fait est allé au Japon par son réseau et il a rencontré donc des producteurs japonais qui cherchaient à vendre à l'international des productions. Et parmi celles-ci, il y avait Goldorak et il est allé voir à l'époque donc l'équipe des programmations jeunesse d'Antenne 2, c'était pas encore France Télévisions. Et dans cette équipe, ils ont engagé l'adaptation de Goldorak qui, en fait, au tout début, ne posait pas de problème. Oui, mais c'est arrivé assez vite ensuite. Alors, c'est arrivé assez vite, en effet, parce que déjà, il y a eu un changement à la direction de la programmation jeunesse. C'est Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Decaune, qui a pris les rênes donc de la programmation jeunesse et qui a découvert Goldorak dans les archives et qui s'est écrié « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Et là, Jacques Canestrier lui a dit « Bah, on est trop engagé avec les Japonais. » Oui, parce qu'elle, elle s'était même engagée à ne pas le diffuser. C'est-à-dire alors, qu'elle... en effet, au départ, elle était totalement contre. Et puis, la décision s'est faite en fait au-dessus d'elle, à la direction des programmes d'Antenne 2, où le directeur de l'époque a dit, on lui a projeté un épisode, il a dit, mais en fait, non, c'est inoffensif, il n'y a pas de problème, on va pouvoir le mettre. Sauf que, parce qu'il y avait quand même des enjeux et une certaine polémique au sein de l'équipe d'Antenne 2 sur le fait que Goldorak était perçu comme ayant des valeurs qui n'étaient pas très compatibles avec la programmation éditoriale de l'époque, eh bien, ils ont décidé de le projeter non pas à la rentrée, qui était à la rentrée 78, qui était normalement la fenêtre de projection traditionnelle, la rentrée scolaire, mais pendant l'été. Et contre toute attente, il a plu cet été-là, et les enfants se sont retrouvés devant la télé, et Goldorak est devenu, à partir de là, un phénomène totalement incroyable, et voire incontrôlable. Oui, c'est-à-dire que toutes les équipes d'Antenne 2 étaient parties en vacances en se disant, bon, on va passer ça en été, on sera tranquille, personne ne le verra. Manque de chance, ou chance, suivant d'où on se parle, d'où on se place. Il s'est mis à pleuvoir, donc les enfants ont regardé ça, et ils ont inondé Antenne 2 de cartes postales en disant, mais on veut la suite de Goldorak. Et donc, quand ils sont revenus, plus question de glisser Goldorak sous le tapis. Exactement. Et du coup, il y a eu nécessité de récupérer en urgence des épisodes qui n'avaient pas encore été doublés. Tout s'est fait dans l'urgence, les génériques, le doublage, et ça a totalement échappé, je parle du succès de Goldorak à Antenne 2. Effectivement, le courrier a commencé à arriver en masse. Les Jacques Canestrier racontent qu'il avait dû recruter des attachés pour ne simplement répondre au téléphone, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail. Hein, c'était justement les parents ou les enfants qui appelaient pour avoir des informations. Et ils ont négocié, France Télévisions à l'époque, tout le merchandising. Ça ne s'est pas limité du tout à exploiter Goldorak comme une série télé dans une programmation jeunesse. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout Gonagai, le créateur de Goldorak, qui à l'époque touchait les bénéfices des produits dérivés. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait en France et en Occident, en fait. Alors, Gonagai, lui, il est représenté par sa société de production qui s'appelle Dynamic Planning, qui, elle, avait mandat pour représenter Gonagai. Mais en effet, une fois que les droits étaient achetés, à certains égards, les chaînes de télévision pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Et effectivement, les Japonais, eux-mêmes, n'ont pas forcément senti de prime abord le succès de Goldorak, surtout que pour eux, clairement, Goldorak, c'était pas l'enjeu. C'est-à-dire que Goldorak s'inscrit dans une trilogie qui s'appelle la trilogie Mazinger Z, et en réalité c'est un spin-off. Qui est la première création de Gonagai, qui a vraiment été un immense succès au Japon, et pas qu'au Japon, suivi de Gret Mazinger, et Goldorak en réalité c'est juste le troisième épisode, histoire de faire durer la sauce, faire tenir la sauce, mais ça n'avait absolument pas vocation à être la série phare sur lesquelles les Japonais D'ailleurs, misaient. D'ailleurs, celui que l'on connaît sous le nom d'Alcor en France, Koji en japonais, et le premier pilote du Mazinger, où son modèle graphique est le pilote du premier Mazinger. Alors, Koji Kabuto, en effet, était le premier pilote du Mazinger Z, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Goldorak alors, n'a pas eu de succès vraiment au Japon, parce que, justement, ce personnage d'Alcor est devenu un personnage secondaire. Il a laissé la place à Duke Fleet, en japonais, qui est donc le prince Actarus chez nous, et les Japonais n'ont pas du tout accepté qu'un personnage auquel ils s'étaient énormément attachés devienne vraiment secondaire. Pour eux, c'était un peu un sacrilège. Alors, on est à la fin des années 70. À quoi ressemble le paysage des dessins animés pour enfants sur Antenne 2? Parce que il y a vraiment un énorme contraste entre ce que Goldorak amène et ce qui est montré aux enfants de la fin des années 70, Olivier Fallet. Oui, alors avant Goldorak, les programmes jeunesse, c'est L'île aux enfants, lancé par Christophe Izard sur TF1. Ce sont des programmes plutôt éducatifs, des programmes d'animation, des fois qui venaient des pays de l'Est, ou alors des cartoons, les cartoons de Hanna-Barbera, un petit peu de les premiers Spider-Man ou des choses comme ça. Et Goldorak, alors Goldorak, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, ce n'est pas la première série japonaise qui arrive en France, il y en avait eu d'autres. Oui, il y a eu Le Roi Léo. Voilà, des séries d'Osamu Tezuka. Exactement. Mais ces séries-là, elles s'inscrivaient déjà plus dans ce qu'on avait l'habitude de voir. Ça racontait voilà, des histoires du roi des animaux, etc., d'une princesse qui veut devenir... qu'on force à devenir prince, mais enfin, ça s'inscrivait un peu dans nos contes et légendes. Alors que Goldorak, c'est un robot géant, c'est des envahisseurs extraterrestres. Voilà, ça, on n'avait vraiment jamais vu, et ça explique en partie pourquoi ce succès si soudain. Parce que c'était vraiment le premier qui apportait quelque chose de vraiment nouveau. Denis Bajram, est-ce que vous avez, alors je sais que c'est là on convoque des souvenirs pas si anciens que ça, hein, mais quand même, comment ça s'est passé votre rencontre avec Goldorak? Je crois que la première fois que j'en entends parler, c'est dans une colonie de vacances. Parce qu'en fait à la maison on ne regardait pas la télé, on n'avait pas le droit de la regarder. Et donc le mois de juillet, moi je ne suis pas au courant que ça existe. Et j'arrive au mois d'août en colonie de vacances, et là tous les petits garçons sont furieux. Parce qu'ils ne peuvent pas suivre la suite de Goldorak. Donc ça commence par un traumatisme, c'est quoi cette chose? Et en fait, à la rentrée, pareil, je ne peux pas suivre, mais j'en entends parler partout. Quoi, parce qu'en effet, là, je me souviens très bien, enfin, tous mes copains regardaient Goldorak. C'était inévitable, indispensable, c'était la panique à la fin des cours pour être à l'heure devant la télé. Enfin. Donc c'est ça le premier souvenir de Goldorak. Après, moi, je l'ai revu lors de la seconde diffusion, en cachette. Parce qu'en fait, j'avais la chance d'avoir un ami qui avait un peu les moyens. Ils avaient un des premiers magnétoscopes. Ils avaient fait le choix technologique sur le Betamax. Et il enregistrait les épisodes la semaine. Et moi, le week-end, en cachette, j'allais voir les épisodes de Goldorak. Donc ça a le goût de l'interdit pour moi. Donc c'est vraiment c'est les meilleurs souvenirs qu'on puisse avoir d'une série. Et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans l'histoire de Goldorak? En fait, c'est la première fois, moi, j'avais l'impression qu'on me parlait en adulte. Les thèmes de Goldorak sont quand même assez durs. Je comprends, moi, qu'il y ait eu des hésitations à la diffusion. Les enjeux sont des enjeux de drame grec. La vie, la mort, la survie, être dans le bon camp, enfin, toutes ces choses-là. Et on n'avait pas du tout ça à la télé avant. Donc, on passait de Casimir, où les enjeux, c'était le Gloubi-Boulga, à d'un seul coup, des enjeux d'adultes. Et vraiment, comme gamin, c'était l'impression, enfin, d'une vraie histoire, quoi, de quelque chose qui impliquait tout. C'était pas seulement le fait de voir des robots géants qui se mettaient des baffes, quoi. Il y avait, humainement, quelque chose d'extrêmement fort pour des enfants. Oui, et puis même la figure d'Actarus, encore aujourd'hui, on n'est pas sur les critères du héros traditionnel. C'est-à-dire qu'il est très laconique, il est même nostalgique. Il est sombre, on peut le dire. Il est sombre, oui. Il y a quelque chose de l'ordre du anti-héros un petit peu chez Actarus. Oui, oui, on n'est pas obligé de l'aimer complètement. Et en même temps, c'est cette espèce de grand frère tellement fort qui va nous défendre en toute situation. C'est pour ça qu'à la fin de la série, on lui en veut tant quand il repart. Et puis il y a Alcor qui est plutôt l'agaçant. Moi, je me souviens d'un personnage agaçant. Oui. Je comprends que les Japonais aient détesté voir un héros devenir. C'est comme si Batman devenait Robin. Il y a un truc qui va pas. Et puis tous ces personnages féminins, cette ferme complètement cinglée autour de Riegel, etc. Non, c'était une vraie réussite en termes d'univers pour des enfants de notre âge, quoi. Olivier Fallet, votre rencontre avec Goldorak, ça s'est passé comment? Racontez-nous. Un peu la même histoire que Denis. Moi, c'était à la rentrée, j'ai changé d'école, j'avais 9 ans et j'arrive à la rentrée dans une nouvelle école. Et pareil, on ne parlait que de ça dans la cour de récréation. Je n'avais pas vu l'été parce que moi, je regardais Casimir, donc je n'étais jamais passé sur la 2, je ne savais pas qu'il y avait autre chose à regarder. Et voilà, et à la rentrée, premier truc qu'on me dit, c'est « Mais quoi, tu ne connais pas Goldorak? Mais il faut que tu regardes ça. » Et voilà, je suis rentré chez moi et j'ai regardé regardé. Alors, j'ai attendu le jour, hein, ça passait qu'une fois par semaine à l'époque. Et voilà, j'ai tout de suite adoré. C'était fascinant. Je me voyais à la place piloter Goldorak ou plus tard l'Alcorak. Je préférais l'Alcorak même après, une fois qu'il arrivait. Et puis surtout, ça a été le premier pas pour découvrir après d'autres séries japonaises et que j'ai trouvé tout de suite fascinantes, plus adultes et beaucoup plus intéressantes. Non pas que je rejetais, je continuais de regarder toujours Casimir, mais ça m'apportait quelque chose en plus. Oui. Sébastien Silimon, alors aujourd'hui vous êtes rédacteur d'Animeland, qui fait sa part belle à tous les animés qui viennent du Japon, mais est-ce que tout a commencé avec Goldorak ? Alors non, Olivier le disait tout à l'heure. En tout cas, sur l'animation japonaise en France, en effet, il y avait eu quelques, salves au début des années 70, avec donc Le Roi Léo, avec Princesse Saphir, et puis avec des coproductions, comme par exemple Calimero ou Le Dauphin. Donc il y avait, alors sans dire qu'il y avait déjà une imprégnation, parce que le terme est un peu fort, mais il y avait déjà, des précédents, mais qui n'avaient absolument pas soulevé, d'un côté, la ferveur des enfants, et de l'autre côté, la crainte et l'angoisse des parents, face à clairement une incompréhension sur un contenu qui était totalement novateur pour l'époque. Alors, Goldorak est inscrit dans la mémoire de millions de Français, notamment par ses génériques, celui de Noam, de Bernard Minet, mais aussi celui d'Enrique, à Courverno, prince de l'espace, en 1978. De l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger, l'ennemi héréditaire veut nous écraser, l'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains, viens défendre notre terre, de justice et d'amour. Sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Accours vers nous, prince des étoiles, viens vite, viens nous protéger dans ton merveilleux. Tous les assauts deviennent le plus fort. La terre a besoin de toi pour battre Vega. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté. C'était Enrique avec Accours vers nous, prince de l'espace. Blockbuster. Ovéter appelle OVNI. Frédéric Sigrist. OVNI, est-ce que vous me recevez ? Si oui, indiquez-moi de quelle planète vous venez. Sur France Inter. Et bah évidemment, il fallait écouter aussi le générique japonais et on se rend compte que Enrique était vraiment dans les clous. Et alors, on a eu un scoop en plein milieu de la chanson d'Enrique tout à l'heure, parce que il y avait que la première partie de la chanson qui avait été écrite par Pierre Delanoë, oui. Produit par Eddie Barclay. Et quand il a fallu enregistrer le CD un peu plus tard, il a fallu écrire un deuxième couplet et l'auteur de ce deuxième couplet, Olivier Fallet, est avec nous et il vient de me le révéler comme ça en me disant « Bah oui, c'est moi qui ai écrit le deuxième couplet. » Comment ça s'est passé ? J'avoue. C'était un rêve de sortir le tout premier générique de Goldrake. En fait, il n'a jamais été commercialisé, cette version d'Enrique. On la connaît tous parce qu'elle est restée dans les épisodes, mais le disque n'est jamais sorti parce que très vite, il a fallu refaire un générique. Il y avait eu une petite polémique à l'époque à propos des paroles. Et c'est là-dessus oui, soi-disant que c'était un générique raciste parce qu'il y avait le mot race. Il y avait le mot race dans les paroles. Voilà, quand même des paroles écrites par Pierre Delanoë, un grand parolier. Donc et du coup, c'est ainsi qu'ils vont faire ce générique par Noam, de manière aussi assez inattendue, rapide, et qui va être le générique le plus vendu encore aujourd'hui à ce jour en France, hein, jusqu'à 4 millions de disques vendus. Eh bien, vous me faites une transition idéale parce que il y a eu plusieurs génériques et effectivement, il y a celui de Noam. Alors là, on est vraiment dans un autre délire. Hein. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus smooth. Je pense que justement, un des reproches qui était fait au début, c'est que le générique était peut-être, la musique était trouvée un peu agressive, le dessin animé était jugé un petit peu violent. Donc je pense qu'il y a vraiment eu une volonté de faire un générique plus tranquille, plus posé, plus c'est merveilleux, il est beau, il est grand, voilà. Et alors, après Noam, on a eu évidemment Lionel Leroy, hein, qui a aussi chanté le générique d'Ulysse 31. Mais le générique qui est vraiment, vraiment, vraiment rentré aussi dans tous les esprits et qui est connu par tous les membres de l'équipe de Blockbuster et qui m'ont dit « Ah non, mais moi je connais un générique, c'est celui de Bernard Minet. » On l'écoute. Figurez-vous que Bernard Minet est avec nous au téléphone et que je suis mais comme un gamin. Bonjour Bernard Minet. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tiens à dire au nom de tous ces fans dont vous avez bercé l'enfance, un grand merci. Parce que là on entend le générique de Goldorak, mais Bernard Minet c'est aussi Bioman, Les Chevaliers du Zodiac, Juliette Je T'aime, Sailor Moon, donc vraiment... Merci pour l'ensemble de votre œuvre. Et justement, j'ai envie de vous poser la question. Goldorak, c'était un des rares dessins animés dont vous avez interprété le générique, mais qui avait déjà eu une vie avant vous avec d'autres grands interprètes. Comment vous avez fait pour vous glisser comme ça dans les souliers du chanteur du générique de Goldorak ? Eh bien, écoutez, vous savez, en août 87, juste avant l'antenne du Club Dorothée sur TF1, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, d'interpréter une quinzaine de génériques comme ça pour l'antenne, justement, pour démarrer une semaine après. Et puis, le seul titre qu'on connaissait avec Gérard Salès, le compositeur, c'était Goldorak. Alors, moi, j'étais pas surpris parce que, d'abord, comme père, figurez-vous que j'ai acheté le robot à mon fils. À l'époque, il avait 9-10 ans et j'ai acheté un grand robot, je sais pas s'il faisait au moins 80 cm. Oui, j'avais le même, je l'avais aussi. Avec les super figures au point et tout. Alors bien sûr, il a terminé en miettes quelques années après et c'est un grand regret maintenant aujourd'hui parce qu'il vaudrait une fortune. Mais donc voilà, je connaissais Goldorak forcément, c'est le seul titre qu'on connaissait. Et puis je me souvenais, surtout moi, je ne connaissais que la chanson de Noam. Que vous avez nommé tout à l'heure, oui. Qui avait été un grand tube, et pour moi, c'était la chanson du générique de Goldorak. Et ça m'étonnait pas, 10 ans après, 9 ans exactement, qu'il change le générique, parce que c'est normal, vous connaissez le truc, c'est qu'à l'époque, une maison d'édition, où on achetait un film ou un dessin animé, et ils pouvaient changer le générique. Voilà. Donc ça m'étonnait pas du tout, et j'ai trouvé cette chanson, elle était un peu différente des autres. elle était réussie, je pense, par Azoulay et Salès. Très bien réussi, et surtout les paroles. Alors c'est drôle parce que les paroles en français qui racontent pas vraiment l'histoire, mais si vous voulez, elles sont tellement belles, et moi je l'ai chantées pour les transmettre aux enfants, parce que par exemple je voulais dire poursuite et salut infernal du bien contre le mal. C'est après il y a garde toujours dans ton cœur justice et liberté. Enfin, c'est des beaux. Et puis va accomplir ta mission. Vous voyez, il y avait cette idée de valeur. Voilà, exactement. Et c'était les valeurs de Goldorak et transmises aux enfants. Et ça, c'est la force des textes de Jean-François Pourry, qui a utilisé certes des mots simples, mais je pense que pour des enfants d'un pays, il faut utiliser les beaux mots de la langue du pays. Voilà. Oui, mais d'ailleurs, à ce sujet, et justement sur le registre des valeurs, je me souviens très très bien aussi du générique de Bioman que vous interprétiez avec une petite fille, Dis-moi Bioman, et ça m'a toujours fait sourire, parce que mine de rien, dans ce générique, il y avait déjà en filigrane des grands débats qui peuvent agiter aujourd'hui l'écologie, la préservation de l'environnement. Est-ce que vous étiez déjà conscient de ça au moment où vous avez enregistré cette chanson « Dis-moi Bioman » ? Ah mais oui, parce que je vous dis, moi, vraiment, je prenais ça à cœur, et j'ai pas chanté tout ça comme ça, par-dessus la jambe. Je mettais vraiment tout mon cœur, et je voulais que ça passe dans le cœur des enfants, et que qu'ils l'entendent, et puis voilà. Et je vous rappelle aussi qu'on a fait aussi des chansons sur l'écologie avec Changer tout ça, par exemple, et qui étaient des très beaux textes, encore une fois, de Jean-Luc Azoulay. Et il y avait des très belles chansons sur l'écologie. Et ça, alors je suis un peu déçu parce que c'est moins culte que tous les génériques. Vous voyez, une fois j'ai regardé sur YouTube, voir un peu la vie que ça avait, et c'est très décevant le nombre de vues sur ces chansons-là. C'est bizarre. Mais c'est aussi parce que ces génériques, ils ont été, ils accompagnaient des œuvres qui ont continué d'avoir une vie hors diffusion télévisée, que ça soit par le biais des mangas, par le biais de films d'animation. Et d'ailleurs, justement, c'est ma prochaine question. Vous vous êtes retrouvé un petit peu héros de toute une Japanimation comme ça, en interprétant les génériques. Est-ce que ensuite, vous-même, en tant que lecteur, vous vous êtes dit, vu que je suis un petit peu le parrain de cette culture, est-ce que je vais me mettre, je suis intéressé pour lire certains mangas, etc. Est-ce que vous êtes devenu féru de Japanimation, ou c'était peut-être déjà le cas avant? D'abord, c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de chance d'interpréter tout ça. C'est une chance, c'est incroyable. Après, féru, non, je suis pas féru, moi, vous savez, parce que à l'époque, vous parliez tout à l'heure, quand vous étiez enfant. Moi, déjà, j'étais un adulte de 30 ans avec un enfant, déjà. Et à cette époque-là, croyez-moi, un homme de 30 ans, un musicien de surcroît, on travaillait. Et on ne regardait pas les dessins animés. Et ensuite, j'ai continué à travailler. Et ensuite, il y avait un grand drame. Ça, c'est pendant 10 ans, tous les dessins animés qui avaient passé sur le plateau, dès que l'antenne c'était fini, on passait au dessin animé. Et il coupait l'antenne sur le plateau et je n'entendais jamais les génériques, on ne voyait jamais les feuilletons, les dessins animés, parce qu'on répétait le plateau suivant. Voilà. Ah oui, donc ça a été une bulle de travail intense dans lequel vous avez pratiquement pas vu les résultats. Les résultats, vous les avez constatés en concert, quand le public venait vous voir en disant « vous représentez quelque chose d'énorme pour mon enfance », mais pas en direct en fait. Mais 20 ans après, 20 ans après, Frédéric, 20 ans après, on nous a dit tout ça. C'est là après que... Et puis, j'ai entendu vos beaux mots, vous avez très bien présenté votre émission, normal, sur la nostalgie et tout, et vous êtes bien exprimé, et c'était magnifique. Et moi, il y a un mot il y a un mot que j'ai constaté dans les rencontres et tout, c'est le mot tendresse. Il y a aussi beaucoup de tendresse. C'est un mot important, oui. Toute cette relation entre les enfants quand ils étaient enfants et maintenant entre adultes. Voilà, c'est toujours, j'ai des beaux témoignages, toujours. Vraiment, c'est magnifique. Et croyez-moi que c'est un coup de chance terrible de vivre toutes ces aventures là, quoi. Je rajouterais aussi que Goldorak, c'est quand même la série qui a le plus de génériques différents. Oui. c'est le plus interprète et le plus de génériques différents. Moi, j'aimais bien beaucoup aussi les génériques de Lionel Leroy. Ils étaient vraiment bien. J'ai eu l'occasion après de les retrouver après. Ils étaient vraiment bien, ces deux génériques. Eh bien, écoutez, vous avez dit le mot tendresse. Eh bien, c'est avec beaucoup de tendresse que je vous remercie une fois de plus pour toutes ces chansons. Et rien que de vous réentendre là, voilà, ben j'ai les poils qui se dressent et je suis de nouveau un petit garçon. Merci beaucoup, Bernard Minet. Vous êtes charmant et je vous embrasse tous vraiment. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci. C'est vrai que on parle d'une époque aussi où effectivement on n'était pas sur des plateformes, donc c'était des rendez-vous télévisuels. Donc le générique avait une importance particulière, c'est-à-dire que les premières notes, c'était le signe, que l'école est finie, que les devoirs sont sur le. Il y a aussi tous ces marqueurs temporels et hebdomadaires, quotidiens, qui n'existent plus aujourd'hui. Et surtout une époque où il n'y avait pas encore trop de chaînes, donc on laissait les génériques en entier au début à la fin, parce qu'après, dès qu'arrivent les années 90, on avait tendance à les raccourcir, les couper, de peur que les gens zappent et passent sur une autre chaîne. Donc pourquoi ces génériques qui sont aussi emblématiques aujourd'hui pour nous? C'est parce que voilà, déjà la diffusion elle était régulière. Goldorak au début c'était toutes les semaines, le même jour. Et surtout, voilà, ces génériques, on les entendait bien. D'ailleurs, c'est bien ce qu'avait compris Haïm Saban quand il a produit Noam et qu'il a vu tout de suite les ventes s'envoler. Enfin, au début, lui-même n'y croyait pas. C'était le producteur de Noam. Et puis, il a bien pris conscience de ça, que c'était une fenêtre incroyable pour une diffusion, pour une mise en avant des chansons. Et c'est pour ça qu'après, il s'est lancé dans la production de beaucoup de génériques, Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or, etc. Et AB aussi, Gérard Salès, Jean-François Pourri, ils ont bien compris ça. C'est pour ça aussi que c'était très important pour eux d'enregistrer tous ces génériques et d'avoir aussi ce son et cette identification. Salut à toi, Minos. J'arrive à l'instant. Comment oses-tu encore te présenter devant moi ? Je te prie de m'excuser. J'ignorais que ce démon était sur Terre. Imbécile ! Comment peut-on être battu par Actarus quand on commande les armées de Vega ? Mais tu sais bien qu'il possède Goldorak. C'est bien ce qui m'ennuie. Tant qu'il en sera ainsi, nous ne pourrons prendre aucun repos. Il nous faut attaquer la Terre et détruire Goldorak. Minos. Oui, grand stratégère. Les armées de Vega n'ont rien à craindre de personne. Pour parvenir à nos fins et conquérir tout le système solaire, nous devons avant tout nous emparer de la Terre. Tant que nous n'aurons pas abattu Actarus et Goldorak, tous nos efforts sont inutiles. Utilise toute la puissance de mon armée et réduis-les en poussière. Tu as bien compris, Minos ? À tes ordres. J'attends ton rapport. Tu as entendu, Darkos. Nous devons nous débarrasser d'Actarus à n'importe quel prix. Je ne suis pas sourd. C'est toi qui commandes. Alors, que décides-tu ? Si seulement il n'avait pas un Goldorak. Pour l'honneur de Vega, je dois en finir une fois pour toutes avec Actarus. Je suis toujours extrêmement ému quand j'entends ces doublages français à l'ancienne, parce que déjà ils ont tous des voix absolument phénoménales, c'est des belles voix de radio. À la limite, Jean Lebrun aurait pu faire de France Inter, aurait pu faire un bon doublage dans Goldorak. On a entendu Jacques Berthier qui double le grand stratégaire, Marc de Georgie qui double Hidargos et Jean-Claude Michel qui double Minos. Alors effectivement, cet empire Vega, Sébastien Célimon, il n'est pas uniquement méchant en fait. On se rend compte au fur et à mesure de la série qu'il y a des variations sur les raisons de cette invasion. C'est vrai, ce que disait Denis tout à l'heure, c'est qu'il y a une complexité d'adulte dans le récit de Goldorak qui était inédit pour les enfants de l'époque, mais qui reste aujourd'hui assez prégnant dans la mémoire, parce qu'effectivement, le peuple de Vega, c'est un peuple de survivants. C'est un peuple qui a gagné des guerres, en a perdu, et notamment avec comme opposant le peuple de Fort, d'où est issu le prince Actarus. Et il y a comme ça une dans cette série beaucoup d'émotions et beaucoup de non-dits justement sur le pathos des personnages. Oui, c'est-à-dire que ça soit le prince de Fort ou que ça soit l'Empire Vega, ce sont des gens qui ont déjà perdu énormément. Oui. Et en fait, c'est un peu les batailles de la dernière chance. Alors oui, et puis alors pour le coup, je tire mon chapeau à l'équipe donc de Denis sur l'album sur la prochaine bande dessinée. Sur la prochaine bande dessinée donc chez Kana, c'est que précisément la bande dessinée par exemple propose une vision du prince de Fort où bah, tout simplement on le présente comme un maître de guerre, un assassin de masse. Il a des alors que lui, il est écrit comme quelqu'un de pacifiste à la base. Alors, il est pacifiste mais par la force des choses, pour défendre son peuple, pour et puis aussi par un certain esprit de revanche, faut dire les choses, hein, c'est la revanche et l'esprit de vengeance. Il est du côté de Vega, mais il est aussi du côté d'Actarus. Et en fait, c'est voilà, c'est un combat presque sans fin. C'est un peu à celui qui va céder le premier. Et c'est vrai que ça marque profondément. Denis Bajram, quand vous avez travaillé avec vos collaborateurs sur cette bande dessinée, est-ce que l'aspect politique, parce que c'est un sujet politique, était déjà très présent dans l'œuvre originale et c'est vous qui l'avez décelé ou vous avez voulu l'accentuer pour la bande dessinée ? On a essayé à chaque fois de ne tirer que les lignes qui étaient déjà dans l'œuvre d'origine. Cet aspect guerrier, évidemment, il est au cœur du récit. Moi, je pense qu'il y a quand même aussi une influence. On est dans les années 70, la défaite du Japon, elle n'est quand même pas très loin. On est sur un peuple guerrier qui a connu une incommensurable défaite. Je pense que tout ça ressort inévitablement dans Goldorak et dans les deux camps, en effet. Chez Vega, mais aussi chez Actarus. Et d'ailleurs, cette guerre du Japon, elle est parfaitement incarnée dans la bande dessinée par le personnage de Rigel. Voilà, c'est pour ça qu'on a osé aller jusque-là dans la bande dessinée à reparler de ça, parce qu'il y a tout un récit de guerre et d'échec de la guerre. Dans les épisodes, c'est quand même à la fin toujours le corps de fulgure, c'est-à-dire la violence qui permet de résoudre le conflit. Et nous, on s'est dit, voilà, on veut faire un ultime épisode, on va essayer de sortir de cette manière de résoudre le conflit, parce qu'on sait qu'autrement, ça reproduit le conflit à chaque fois. La violence appelle à la violence, appelle à la vengeance, qui rappelle à la violence, et ainsi de suite. Donc on s'est vraiment interrogé dès le départ sur cette question-là dans l'œuvre. C'est pour ça qu'on a tiré ces fils donc des guerriers, mais aussi des réfugiés, puisque les guerres provoquent des millions de réfugiés, on le voit trop aujourd'hui. La question, voilà, de l'échec personnel par rapport à la guerre. Gagner une guerre, ça peut être échouer personnellement par rapport à ses valeurs. En effet, Actarus est pacifiste, mais... C'est-à-dire qu'il... Même si on gagne, guerre, on est quand même perdant. Bah, un pacifiste à la guerre a déjà perdu, quoi. Oui. Oui. Et alors, il y a aussi justement ce contraste saisissant entre le physique d'Actarus, bah, cheveux longs, vraiment le pur produit des années 70, qui joue de la guitare dans un champ, qui a la nostalgie de sa planète disparue, et ce robot, et ça on l'a pas encore assez dit, mais qui n'est pas un robot du bien, c'est-à-dire que il l'a volé. J'ai même allé plus loin, ce n'est pas un robot. Un robot, c'est un être indépendant. En l'occurrence, là, c'est un exosquelette que revêt Actarus. Alors, c'est une sorte d'Iron Man, mais qui fait 30 ou 35 mètres de haut, dans lequel, alors c'est pour ça que les enfants en adoraient ça, hein, parce que l'idée de pouvoir prendre les manettes et de conduire un truc aussi grand pour aller se venger à l'école de celui qui nous avait volé notre balle, c'était le rêve absolu. Et donc, on est sur un robot qui a été, alors dans la version française, je sais pas si c'est exactement pareil dans la version japonaise, qu'on sait qu'il y a des écarts. Dans la version française, il a été volé à Vega. C'est une arme de guerre de l'ennemi qu'on récupère pour aller combattre. Ce qui explique d'ailleurs que Goldorak, en termes de style graphique, n'a rien d'un robot gentil, c'est-à-dire qu'il a ses cornes, il a ses haches sur les épaules. Quand j'étais gamin, moi je pensais qu'il était presque viking en fait, parce qu'il avait une tête de proue de vaisseau viking, il avait ses haches qui font penser à des épées ou à des... Enfin voilà, c'était... Et il a un design, un style graphique qui du coup est assez badass, assez... C'est un totem de guerre en fait, c'est... Et on retrouve aussi un petit peu l'armure de certains samouraïs, etc. Il y a une ambition avec Goldorak en tant que robot de faire peur à l'ennemi. Olivier Fallet, je ne sais pas si vous confirmez ou infirmez. Oui, mais avant tout, j'aimerais rappeler que les dessins animés qui sont produits au Japon dans ces années-là, au départ, il n'y a vraiment pas l'idée de passer ni un quelconque message, ni de transmettre quoi que ce soit. On est vraiment, au départ, dans du divertissement. Alors, du divertissement avec peut-être une réalité un peu dure, des drame, mais c'était aussi le Japon, comme tu l'as dit, qui n'était pas si loin de la guerre, qui s'était reconstruit et qui n'avait pas encore pensé toutes ses blessures. Donc voilà, avec le recul, aujourd'hui, on voit des idées. Gonagai a quand même pour réputation, dès le début, même dans ses autres mangas, de mettre une grosse partie de lui-même et de ses obsessions qui piquent un petit peu. Oui, et on pourrait même citer, parce que vraiment, Gonagai, il a créé le robot, tout le concept et à peu près les bases de l'histoire originale, mais le développement sur la série, c'est vraiment l'équipe de scénaristes des studios Toei qui ont travaillé là-dessus. Et quand on regarde leur parcours, bah, comme tu disais, c'est des gens qui ont connu la guerre. Alors, ils étaient enfants, ils n'ont pas fait la guerre, parce que c'est en 75 hein, qu'a été produit Goldorak, donc on est 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais effectivement, comme la base de l'histoire, c'était une histoire de guerre, d'envahisseurs avec des armes surpuissantes, bah forcément, ça a fait ressurgir, je pense malgré eux, c'était pas forcément intentionnel, mais on retrouve justement et bien ces choses-là, et ils ont forcément puisé aussi dans leur histoire personnelle, de leur famille ou d'eux-mêmes, pour le ressenti de ces deux peuples qui se font la guerre. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Star Wars, à l'inverse, avec toute l'imagerie de 39-45 qui remonte dans le film. Donc. Oui. Tu as un autre phénomène qui est très, très important à prendre en considération, c'est que les années 70, c'est pas l'explosion que de Mazinger Z, c'est l'explosion, tout simplement, de la représentation. Alors, moi je suis un petit peu plus nuancé qu'Olivier sur le fait qu'il y avait quand même une volonté, une fierté pour les créateurs japonais de dire voilà, aujourd'hui on peut mettre des adolescents type Alcor dans un robot et sans aller jusqu'à dire qu'il va nous venger, nous le peuple qui a perdu la guerre, mais on est à un moment où les Japonais ont besoin aussi de se dire on est fort. Voilà, il y a d'autres productions, je pense à Space Battleship Yamato par exemple de Leiji Matsumoto, qui lui est beaucoup plus explicite, parce que Yamato c'était notamment un des croiseurs stars extrêmement représentatifs de l'armée japonaise, voilà, il y a, sans parler de revanche, hein, c'est pas forcément revanchard, parce que c'est sûrement inconscient un petit peu aussi. Oui, probablement, mais c'est de la même manière que Astro, le petit robot, était une réponse à la bombe atomique, avec un robot qui est un enfant qui ne peut jamais grandir, parce que c'est voilà, qui fait selon une de nos rédactrices, Buntavi Suvilai, qui elle a une analyse assez intéressante, elle dit qu'en fait Astro c'est Little Boy, la bombe qui a explosé sur Nagasaki. Et il est resté figé. Voilà, et puis surtout il a un cœur atomique, mais il fait le bien. Et c'est un personnage pacifique. Oui, mais c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi même avec les kaiju, avec Godzilla. Tout à fait. Ou un peu plus tard avec Akira de Katsuhiro Otomo, le spectre de ce nucléaire qui est omniprésent. Et de la peur de la technologie. Alors, le fait que ce soit inconscient, on le sent bien par le fait que dans Goldorak, en même temps, l'histoire se passe dans un ranch avec des Japonais qui s'habillent en cow-boy. Donc c'est purement américain, à tel point que moi, gamin, je croyais que ça se passait aux États-Unis. Oui. Donc on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de choix, que tout ça, c'est des choses qui remontent un peu en vrac. Et que nous, évidemment, aujourd'hui, on arrive à éplucher les racines de tout ça. Mais... Alors Goldorak fut vraiment le premier dessin animé japonais à se faire remarquer de celles et ceux qui ne les regardent pas, et qui mieux, ne les comprennent pas. Donc autant dire que les polémiques et les malentendus, ça a pas manqué. Goldorak, il y a des gens, ils aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Moi, je n'aimais pas du tout Goldorak. Je n'aimais pas du tout Goldorak. J'étais désespérée de devoir le diffuser. Goldorak est devenu un personnage extraordinairement adoré, vénéré des enfants. C'est quand même un personnage essentiellement mécanique. Je crois que c'est là le point essentiel. Et la séparation que l'on peut faire entre un personnage essentiellement humain, ayant des motivations humaines et des objectifs humains, et un personnage mécanique utilisant les derniers progrès de la technologie, est quelque chose qui peut être très troublant pour un psychisme enfantin. C'est parce que c'était très simpliste que ça a eu beaucoup de succès, voilà. C'est ça l'efficacité des Japonais. Un mauvais moment à penser. Sébastien Célimon, donc on a entendu Jacqueline Joubert s'exprimer sur le sujet Goldorak. Est-ce que c'est parce que c'était trop simpliste que ça a fonctionné ? Non, je crois que les témoignages d'Olivier et de Denis tendent à dire le contraire. C'est au contraire, c'est parce que il y avait une complexité de la narration, qu'il y avait des personnages qui étaient incarnés, qu'il y avait des enjeux extrêmement forts, et c'était effectivement un contraste considérable par rapport à, aux autres œuvres disponibles à l'époque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que, en fait, Goldorak, ça a été un pari de Jacques Canestrier et de tous ceux qui l'ont suivi, qui était de dire « faisons confiance à l'intelligence des enfants ». Et ça, c'est quelque chose qui est un combat qui continue encore aujourd'hui, 45 ans après. C'est toujours une problématique de se dire qu'est-ce qu'on leur propose, mais est-ce qu'on fait... Et une incompréhension qui est toujours aussi contemporaine sur ce qui plaît aux enfants. Tout à fait. Ils sont complètement débiles, ça va faire d'eux des sociopathes. Et ça se voit d'ailleurs, avec tout le respect qu'on doit évidemment aux programmateurs des programmes jeunesse aujourd'hui, mais tous les dessins animés qu'on a pu avoir dans les années 80, on a cité les Chevaliers du Zodiac, bon, Ken le Survivant, grande polémique aussi à l'époque, ils apportaient des enjeux extrêmement forts. Ils avaient une esthétique extrêmement adulte, une violence qui était tout à fait visible et réelle. Hein, je ne suis pas à la nier, mais il y avait quand même encore une fois l'impression que moi j'ai vécu une période bénie dans les années 80 en découvrant ces dessins animés parce que j'avais des valeurs qui résonnaient avec ce que je vivais dans ma cour d'école et c'était pas gnangnan, c'était pas enfantin. Et aujourd'hui, les programmes jeunesse sont beaucoup plus édulcorés, beaucoup plus chatoyants. Alors il y a des très très bons programmes, entendons-nous bien. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, au contraire. Mais voilà, on n'a plus ce côté punch dans la figure en disant on fait confiance aux enfants. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. On aurait même Denis presque Bergeron. Aujourd'hui une rupture. En gros, on est enfant puis on doit devenir adulte d'un seul coup. C'est terrible. Il y a plus justement toute cette création pour l'adolescence qu'il y avait à la télé pour nous. Oui, surtout qu'en plus, on est dans une époque de chaînes d'infos en continu. Voilà où l'actualité et les flash infos arrivent en permanence. J'ai deux enfants à la maison. Je suis bien placé pour savoir que des fois, c'est pas un dessin animé qui va les traumatiser. C'est plutôt la juxtaposition de nouvelles anxiogènes scandale pédophile, faits divers, qui enchaînaient comme ça dans un JT à midi ou même des fois dès le matin, dès le petit déjeuner, est bien plus anxiogène à mon avis qu'un épisode de Goldorak. Mais là, c'est vraiment le papa que je suis qui s'exprime. Mais il y a toujours cette incompréhension totale entre ce que l'enfant va accepter comme histoire imaginaire dans lequel effectivement il y a des gentils, des méchants et de la violence, et la violence du monde réel qui elle aurait droit de citer naturellement. Parce que c'est de l'information. Qu'en pensez-vous, Olivier Fallet ? Oui, et surtout à l'époque, je pense que les parents, ils ont vraiment pris ça en pleine figure et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas forcément fait l'effort d'essayer de regarder, d'aller. Eux, ils ont vu une animation qui était certes limitée et qui avait ses défauts, la production d'animation un peu industrielle du Japon des années 70. Ils ont vu aussi des choses qui leur paraissaient adultes ou un peu dures, ce qui est vrai. Hein. On peut comprendre aussi que Goldorak, ça puisse perturber. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas cherché à aller un peu plus loin et qu'il a fallu attendre autant d'années pour décrypter ça et se rendre compte que ça pouvait paraître simpliste, comme le disait Sébastien, mais qu'en réalité, ça ne l'était pas. Puis il y avait aussi cette dimension de merchandising qui faisait vraiment peur aux parents de l'époque, où ils ont commencé à voir les chambres des enfants être totalement... Ça a rajouté... Oui, parce qu'effectivement, le fait que derrière, il y a tous ces produits qui sortent, qui sont arrivés très rapidement, même si, comme on l'a dit, ils ont été un peu pris de court, mais effectivement, le merchandising arrive très vite. Et du coup, ça donne encore plus l'impression qu'on diffuse cette série pour nous vendre des jouets, etc., pour un côté très commercial. Oui, les personnages ont des grands yeux parce qu'ils veulent plaire à l'Occident, voilà, ce qui, etc. en fait, était faux, puisqu'on le sait aujourd'hui, ces séries japonaises étaient déjà rentabilisées au Japon, donc ce qui permettait d'ailleurs pour eux de nous les vendre à très bas prix. Et c'est nous qui étions demandeurs et qui sommes allés chercher ces séries. Voilà, et puis le merchandising, c'est les enfants avant tout qui le demandaient. Donc, beaucoup d'incompréhension et peut-être effectivement lié au fait aussi où ça arrive d'un coup et on n'arrive pas à avoir ce recul. Alors, c'est une incompréhension qui a muté aujourd'hui, mais qui existe encore. Par exemple, quand on voit certaines réactions sur la manière dont les jeunes ont pu utiliser leur passe culture en achetant des mangas, j'ai vu et lu beaucoup de réactions de gens qui disaient, mais enfin voilà, c'est pas possible, c'est pas de la culture, moi je suis désespéré, mon enfant ne lit pas, et on dit ah il lit pas du tout, oui enfin si il lit mais des mangas donc il lit pas, et il y a vraiment ce rapport encore aujourd'hui à l'idée que ça soit de toute façon quelque chose de mauvais à mettre devant les yeux des enfants, ça perdure. Sébastien Célimon. En réalité c'est un débat qui qui n'arrête jamais. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui me disait la bande dessinée, c'est pas une lecture convenable. Ce n'est pas de la lecture. Moi, j'ai grandi avec les Schtroumpfs, j'ai grandi avec Spirou et Fantasio. Voilà, le manga, en fait, est pénalisé aussi un petit peu parce que les gens ne réalisent pas la richesse que ça représente. C'est voilà, effectivement, c'est comme pour le cinéma, c'est comme pour les séries télé. Il y a des choses qui sont dispensables et puis il y a des choses qui sont exceptionnelles. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette profusion, cette richesse de l'offre. Moi, je trouve que ce que ça nous dit, le succès du manga avec le Passe Culture, c'est que les histoires qui sont racontées, et en plus, il y a eu un renouvellement extrêmement fort du shonen au Japon ces dernières années, elles touchent le public. Et c'est le public qui est le dernier juge, in fine. Est-ce que vous pouvez préciser pour les 2-3 auditeurs qui prendraient Blockbuster par hasard, qui ne seraient pas ce qu'est un shonen? Alors, le shonen, c'est, pour faire simple, le manga qui est à destination des adolescents. Des garçons et des adolescents. Shonen, ça veut dire garçon. Mais c'est extrêmement codifié. C'est surtout ça qui est important à savoir. C'est-à-dire que c'est l'entraide, c'est la victoire et c'est le goût de l'effort. Voilà. C'est vraiment des. Voilà, il y a un certain nombre de codes et qu'on retrouve. Hein, si on lit L'Attaque des Titans, si on lit The Promised Neverland, si on lit My Hero Academia, qui sont des mangas extrêmement différents, mais on retrouve quand même ces thèmes sous-jacents. On retrouve ces lignes de fond qui draine l'esprit du shonen, voilà. Et le manga au Japon est extrêmement codifié et le shonen, voilà, était vraiment représentatif de ça. Et Denis Bajram, là on parle du manga, mais c'est un débat aussi qui s'applique à la bande dessinée, même si on considère que voilà, c'est le 9e art, etc. Mais en lisant votre Goldorak que vous avez réalisé avec vos camarades, il y a une intelligence d'écriture, de composition, de dessin qui fait qu'à aucun moment on peut se dire « Oh, c'est moins intelligent que, ça n'est pas de la culture, c'est des thèmes très adultes qui sont traités, l'évolution des personnages, et c'est la même qu'on peut avoir dans certaines séries HBO ou tout ça en termes d'écriture de grandes séries. » Comment vous situez, vous, en tant que personne qui travaille de toute façon sur une planche et un genre qui est souvent méprisé? Je peux rien dire après autant de compliments. Moi, faut que je me taise, faut que je reste là-dessus. En fait, déjà, on est une équipe de 5. Hein. C'est pas rien pour affiner la qualité d'une œuvre. 5 co-auteurs, c'est 5 personnes qui se corrigent les uns les autres. Alors déjà, quand il y a un scénariste, un dessinateur, ça discute. Mais bon, chacun s'installe un peu dans sa partie. Mais là, d'un seul coup, on a été 3 dessinateurs. Donc, on a passé notre temps à dire du mal du travail des autres. Et à l'arrivée, à vouloir faire mieux. Et alors, je pense que c'est le genre de méthode qui permet d'aboutir au genre de livre que vous décrivez, c'est-à-dire où quand même tout est affiné comme rarement, parce qu'on a énormément travaillé, refait. Pour vous dire, la dernière passe de sur l'ensemble des pages, elle a eu lieu 3 jours avant que l'imprimerie nous appelle en catastrophe en disant « Maintenant, on vous envoyait !» parce qu'autrement, on continue de corriger, parce qu'en fait, on avait, quand on est 5 à regarder un livre, on voit toujours des problèmes. Surtout quand on est 5 un peu... 5 auteurs, comme toujours, un petit peu concentrés sur les défauts que plus personne ne verra à la fin, mais bon. Oh, la brillance de la lune m'inquiète. Parce qu'elle est belle, c'est la lune rousse aujourd'hui. Oui, je trouve que c'est plutôt un mauvais présage. Mais voyons, pourquoi serait-ce un mauvais présage? Ah, je suis désolé, Vénusia, mais j'ai bien peur que nous ne puissions pas sortir les chevaux demain. Oh, pourquoi? Tu étais d'accord. Tu changes d'avis comme de chemise. Excuse-moi, mais j'ai un pressentiment étrange. Je ne suis pas prête de te le pardonner. Pour une fois qu'on avait l'occasion de sortir tous les deux sans que papa nous surveille. Excuse-moi, Vénusia, mais j'ai de bonnes raisons. J'aimerais savoir lesquelles. Non, je ne peux pas te les dire. Dis-moi tout simplement que tu ne veux pas sortir avec moi. Mais ce n'est pas ça du tout, tu le sais. Je serais ravi de sortir avec toi. Il n'en est pas question. Jamais je n'autoriserai Vénusia à sortir seule avec Cactarus. Jamais, tu entends? Mais du calme, ils ne seront pas seuls, voyons. Il y aura les chevaux. Attention, la voilà. Tu en fais une tête. Qu'est-ce que tu as, Vénusia? Ça t'ennuie tant que ça d'aider Cactarus à sortir les chevaux? Bon, je n'ai pas envie de sortir avec un garçon qui n'est pas capable de respecter sa parole. Ce n'est pas digne d'un homme. Ça me fait pas plaisir, ce que tu dis là. J'avais l'intention de t'interdire d'y aller, mais Actarus est un charmant garçon et j'avais changé d'avis. Oh, j'aimerais que vous me laissiez seule. Oh, je suis encore en retard, excusez-moi. Silence, Icarus ! J'ai décidé que demain, tu sortirais les chevaux avec Vénusia. Tu dois tenir ta promesse. Hein ? Tu as très bien compris, et si tu ne le fais pas, je te tords le cou. Oh, mais je rêve. Mais non, Actarus, tu seras pas tout seul, il y aura les chevaux. Alors, c'est Riel est doublé par Jacques Ferrière. Et on a entendu Jeanne Val qui double Vénusia avec cette voix si reconnaissable, la voix de Nelly Olson, et qui a fait que beaucoup, beaucoup de spectateurs détestaient le personnage de Vénusia. Parce que c'est une voix quand même un peu particulière. Ah nous, on a eu un problème au dessin. Parce qu'en fait, quand on regarde le personnage, il n'a pas cette voix. C'est une charmante jeune fille, etc. Mais quand on fait une version française en bande dessinée, on est obligé de réussir à faire ressortir ce petit côté un peu pimbèche. Donc on a dû un petit peu modifier le dessin pour qu'il y ait encore un peu de ça, même si on l'a fait mûrir et qu'elle est devenue une femme plus sûre d'elle. Oui, d'ailleurs, il y a une relecture très contemporaine du personnage de Vénusia dans la bande dessinée, où après que le prince de Fort soit parti avec sa sœur pour repeupler sa planète, pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé, elle a fait des études de médecine et en fait on la retrouve interne. Et c'est ça vaut d'ailleurs c'est l'objet d'une plaisanterie où Alcor dit mais en fait elle est infirmière et elle le regarde fait non je suis interne en fait t'arrêtes avec ça et c'est quelque chose c'est vraiment les débats qui agitent la société actuellement sur le féminisme la représentation des femmes dans la pop culture aussi. Oui, alors dans le dessin animé d'origine il peut y avoir des moments où on se dit quand même que la position de la femme au Japon à l'époque n'était pas réjouissante et en même temps c'est quand même deux femmes guerrières qui sont quasiment à égalité avec le héros de Mazinger. Et oui. Tout. Donc, il y a déjà beaucoup de nuances dans le dessin animé d'origine. Et nous, on s'est dit, on va tirer ça jusqu'au bout parce que Me Too est passé par là. Il faut qu'on questionne chez ces personnages-là. Quelle est leur position aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a le second personnage féminin de l'équipe de l'escadron des aigles, Phénicia, la sœur d'Actarus, qui est, si je ne m'abuse, la création de Shingo Araki et Michi Emeno sur la charte graphique qui sont les créateurs de bah notamment ceux qui ont travaillé sur Ulysse 31 là les gens sont en train de se dire oui non oui, Olivier Fallet oui faire un dessin animé c'est beaucoup de ressources de créateurs. On a parlé des scénaristes et le côté graphique. Alors les personnages ont été créés par un monsieur qui s'appelle Kazuo Komatsubara, donc qui passe derrière le design. On a l'auteur de manga Go Nagai qui crée le design du robot et les grandes lignes, mais derrière voilà il y a les caractère designer, vraiment les gens qui vont faire le look qu'ils ont dans le dessin animé. Donc monsieur Komatsubara, il va aussi travailler sur Albator, sur Galaxy Express 999. Et puis à partir de l'épisode 48, ils veulent renouveler un petit peu. Donc c'est à partir de là qu'il y a cette fameuse patrouille des aigles. Et c'est l'arrivée du personnage de la sœur d'Actarus, hein, qui n'est pas dans les 47 premiers épisodes. Et effectivement, pour renouveler, un nouvel animateur travaille qui s'appelle Shingo Araki. Il va être très connu, en tout cas pour les gens qui s'intéressent à l'animation par la suite, puisqu'il a travaillé sur Saint Seiya. Il travaille aussi sur Ulysse 31. Voilà. Et ça aussi, c'est des choses qui ont contribué aussi au succès de Goldorak. Encore une fois, Goldorak, ça a du succès, on va pas se mentir, parce que c'est la première série de robots qui arrive en France. Et si ça avait été une autre série de robots, elle aurait probablement eu aussi du succès. Mais elle a quand même plein de petites choses en plus, à travers ses personnages charismatiques, ses méchants. On a parlé de l'histoire, le côté dramatique. C'est beaucoup plus dramatique que Mazinger Z, qui est beaucoup plus léger comme série. Et puis aussi, le design des personnages, cette évolution... Il y a vraiment plein de petites choses qui font qu'elle a quand même ce truc en plus. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a une histoire particulière dans le cœur des Français. Et il y a la musique de Shunsuke Kikuchi qui est absolument géniale. C'est-à-dire qu'en préparant cette émission, en réécoutant la bande-son des épisodes, c'est un personnage à part entière. Sébastien Silim. Oui, c'est là aussi que moi je suis toujours ébahi devant toutes ces séries, c'est que c'est une somme de talents mais tellement incroyable, que ça soit graphique, que ça soit dans la science de la narration, mais aussi sur l'ambiance musicale. C'est, je veux dire, on entend un jingle de Goldorak, on sait où on est. C'est, il y a une identité tellement forte. C'est la même chose sur Ulysse 31, c'est la même chose sur Les Cités d'Or. C'est voilà, c'est extraordinaire. C'est pas forcément le même compositeur, hein, mais voilà, il y a un travail vraiment hyper sérieux de professionnels extrêmement aguerris. Et c'est ça aussi que moi je trouve passionnant de relayer dans Animeland. C'est c'est mettre en avant ces talents-là, parce qu'en réalité, voilà, moi j'entends trois notes de Goldorak, j'ai les poils qui se dressent, et je sais que derrière, c'est un gars qui a bossé pendant des mois dessus, à faire 10 000 versions, c'est extraordinaire, c'est un boulot de titan. En fait, c'est la force des séries japonaises. La faiblesse, c'était l'animation qui était assez limitée, parce qu'effectivement, ils faisaient ça que pour leur propre pays, et avec ils ont appris ça presque tout seuls. Et pour compenser la faiblesse de l'animation, ils ont beaucoup plus travaillé les histoires, les enjeux dramatiques, le doublage et la musique aussi. C'est pour c'est ça qui fait qu'à la fin, on oublie en fait finalement ces faiblesses de l'animation. Je dirais même qu'il y a un art du cadrage et du montage. On est presque que dans la bande dessinée un peu animée. En fait, c'est pas tant d'animation qu'une sorte de bande dessinée animée, et il y a une qualité de cadrage, de montage, de rythmique, des montages d'images parfois fixes, qui est extraordinaire. Oui. Aujourd'hui encore, c'est intéressant. On devrait montrer ça à des étudiants en cinéma, parce qu'il y a une vraie invention là. Et justement, je parlais de ça avec une personne néophyte qui me disait, mais quelle est la différence dans la manière de mettre en scène dans l'animation japonaise ou dans un manga? Et je dis, par exemple, dans une conversation entre deux personnages, tu vas avoir, par exemple, une case qui va montrer une goutte d'eau qui tombe dans un lac avec un roseau ou un oiseau sur un arbre en plein milieu de la conversation. Et ça, c'est typiquement une manière de séquencer, de rythmer un échange, mais complètement différent de ce qu'on ferait en animation ou même en bande dessinée à l'occidentale. Mais la vraie raison, c'est de faire des économies d'animation. Pourquoi on va voir le personnage de dos avec un cadrage un peu audacieux? Parce qu'entre-temps, on n'a pas animé sa bouche. Et la goutte d'eau, hop, on dessine juste une goutte d'eau qui s'anime. Oui. Et en fait, c'est vraiment une succession d'économies, mais qui ont poussé les créateurs à trouver des idées de mise en scène et qui du coup devient leur force. Et alors j'aimerais qu'on parle un peu plus du créateur quand même, Gonagai, parce que Gonagai évidemment c'est le créateur de Mazinger, de Goldorak, Grandizer, et d'ailleurs, petite parenthèse, tous ces noms qu'on entend, Actarus, Fulgur au point, c'est une invention française, et même Mizar, tout ça ce sont des noms qui ont été créés par les doubleurs français. Alors ça a été créé en effet par les doubleurs français, c'est donc sous la houlette de Jacques Anestrier, toujours le même, où tout simplement ils se sont retrouvés autour d'une table, et donc Grandizer c'était très compliqué à dire, et ils ont tâtonné, et sa fille est intervenue, le oui, doubleur c'est la fusion professeur. De Goldfinger et de Mandrake, ouais, donc ça faisait Goldrake, mais la lui, fille a dit... Lui avait dit Jacques Anestrier, alors Goldrake, et puis sa fille, ah c'est dur, essaye Goldorak, et comme ça ils ont adopté, puis après c'est effectivement le doubleur du professeur Procion par exemple, qui est allé chercher le Charles nom des Gatz. Armes, absolument, Charles Ingalls, qui est allé chercher le nom des planètes, le nom des peuplades, le nom des armes, tout ça, et c'est en s'appuyant sur de multiples influences, mais à certains égards, ils n'ont fait que le même travail que les créateurs de Goldorak, qui eux aussi mixent leurs propres influences, on a parlé du western, voilà, c'est, tout ça c'est un mix qui donne cette saveur très, très typique, pour le coup française, à Goldorak, parce qu'évidemment au Japon, c'est pas du tout la même chose. Et donc, Gonagai, il a créé aussi d'autres licences, d'autres grands noms du manga, notamment Kyuteone, connu en France sous le nom de Chéri Miel, une série qui était complètement barrée, c'est-à-dire psychédélique, avec une héroïne plantureuse. Enfin, vraiment, je pense que tous les petits garçons nés à la fin des années 70 se souviennent très bien de Chéri Miel, mais il y a aussi Devilman, qui est aux antipodes de Goldorak et qui est une œuvre complètement sombre, très violente, très nihiliste. Violence Jack aussi, qu'on n'a pas encore eu la chance de voir rééditer. C'est vraiment quelqu'un de complètement hétéroclite. Quel a été son premier manga connu au Japon? C'est un manga qui s'appelle Arenshi Gakuen, L'école impudique. Il a été publié il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une comédie un petit peu coquine dans le milieu scolaire. Et c'est ça qui va le faire connaître. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été un auteur très prolifique. Comme vous l'avez souligné, il est parti, enfin, il a fait énormément de choses. Donc, c'est lui qui crée Mazinger Z, qui est la vraie création et l'idée, c'est le robot piloté de l'intérieur, en fait. Avant Mazinger Z, il y avait déjà des séries de robots, mais pas comme ça. Cutie Honey, Cherry Miel, ça aussi c'est une histoire de magical girl, de fille avec un peu des pouvoirs, mais avec un côté là aussi un peu barré, un petit peu sexy, un petit peu osé aussi pour l'époque. Devilman ou Violet Jack qui sont des séries très violentes aussi. Et là aussi, à l'époque, il y a encore que du manga, le fameux manga shonen pour jeunes garçons. Il n'y a pas encore trop de manga pour adultes. Et voilà, il va contribuer à repousser un peu ces limites-là et aller justement dans des mangas un peu plus mûrs qui ne se faisaient pas. Et voilà, c'est difficile de résumer son œuvre parce qu'il a fait des choses très très différentes, mais c'est vraiment un auteur de manga qui a compté dans l'évolution du manga dans les années 70. Alors, on l'a dit, on arrive à la fin de cette émission, Goldorak a particulièrement eu un impact déterminant en France, et c'est plutôt une bonne chose que ce soit justement des dessinateurs et scénaristes français qui lui donnent un ultime épisode avec cette bande dessinée formidable. Je le répète vraiment, n'hésitez pas à vous la procurer. Est-ce que y aura une suite ou c'était vraiment un one shot, Denis Barjam? Quand Xavier Dorizon a eu l'idée de l'histoire, pour lui, c'était l'ultime épisode. Il n'y a pas d'ultime épisode qui a une suite. Depuis, avec Alexis Santenac et Brice Cossu et Johan Guillaume, le coloriste, on a tellement travaillé comme des fous pour accomplir, pour rajouter une pierre au temple, on va dire, que on n'est pas du tout dans l'idée d'aller voir si on pourrait gâcher cette énorme aventure humaine que ça a été pour nous, quoi. Donc, pas de suite. Bon, après, si 1 million d'exemplaires sont vendus, on peut être acheté comme c'est tout le monde. Hein, vous savez, Blockbuster, hein, et on est très très influent. Très très influent. Non, mais voilà, s'il y avait l'idée géniale d'un seul coup, peut-être qu'on y retournerait, mais voilà, on n'est pas du tout dans les... Vous pouvez lire tranquillement cet album, c'est normalement l'ultime aventure. Alors, je le répète, une bande dessinée qui sort le 15 octobre, Goldorak, voilà. Et il y a également l'exposition, Olivier Fallet, est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot ? L'exposition, produite par Primeprod, à la Maison de la Culture du Japon à Paris jusqu'au 30 octobre. On a réuni à la fois des éléments qui ont servi à la production de Goldorak, storyboard, des celluloïdes, ces fameux dessins gouachés à la main qui servaient à créer les décors, et puis des collections de jouets aussi, et alors des jouets d'autrefois, d'époque. Le fameux Jumbo, on en a parlé tout à l'heure, ce robot géant en plastique, et puis des objets aussi d'aujourd'hui, parce que Goldorak, il y a encore beaucoup de choses qu'ils font. Beaucoup d'artistes contemporains. Des artistes contemporains qui sont influencés, qui créent des œuvres à partir de Goldorak, et puis des objets de collection, alors qu'ils ne sont plus des jouets en plastique un peu mal faits comme on pouvait avoir à l'époque, mais aujourd'hui des vraies pièces de collection. Et puis, une soirée au Grand Rex, le 28 octobre, pour faire la fête, pour regarder les meilleurs épisodes de Goldorak. Avec tous les anciens interprètes. Les chanteurs de générique, ben Minet sera là, Enrique, voilà, ils vont tous venir chanter leur générique. Et puis une petite partie aussi, concert de musique aussi, pour la première fois, les musiques jouées par un orchestre aussi. Donc voilà, une belle soirée au Grand Rex. Et des timbres ? Des timbres, alors ça c'est pas nous, mais il y a une actualité incroyable actuellement sur Goldorak, parce qu'on ne s'est pas concerté, mais la bande dessinée, l'exposition, la poste qui sort de timbres collector, tout arrive en même temps sans qu'on se soit concerté. C'est que c'était son moment, et un très très beau hors-série d'Animeland consacré à Goldorak et Gonagai, si vous voulez compléter tout ce qui a pu être dit dans cette émission. Denis Bajram, Olivier Fallet, Sébastien Célimon, merci à vous. Ce blockbuster spécial Goldorak a été réalisé par Célinac Illa. Elle a été préparée par Sarah Massenac. Et aujourd'hui à la technique, Mathias Aléonac. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Actarus, Prince, nous avons gagné. Oui, on a gagné. Nous avons détruit le diable. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.